Pour vos différents travaux en mécanique, l'équipe de Jean Lapierre Mécanique est la solution. Une équipe d'experts qui saura bien vous conseiller et à prix fort compétitif. De plus, nous faisons la réparation et la vente de remorques et nous sommes autorisés de la marque Gator, Jean Lapierre Mécanique, 448 Principal à Saint-Prime. 418-251-1394. Toute notre équipe est fière de commanditer la chronique de Dominique Godbout, de Décanquer de Saint-Prime, et souhaite une... On va parler de Décanquer, c'est notre chronique hebdomadaire avec notre ami Dominique Godbout, chronique du Décanquer à Saint-Prime. Salut Dominique! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Dominique, j'ai été, je dois te dire que je suis allé la semaine passée, c'est jeudi passé, aux installations du DEC avec le propriétaire, un des propriétaires, Jean Lapierre, m'a fait visiter les lieux. Très impressionné, on va dire, en affaire, là, c'est quelque chose d'intéressant, puis je les trouve courageux, puis en même temps, je les félicite, parce que quelque part, ça dynamise toute la municipalité de Saint-Prime. C'est quelque chose, là. Ouais, ben c'est ça que je trouve aussi. Puis on est chanceux en plus parce qu'on a des équipes de jeunes qui vont être aptes à grandir aussi dans la ligue de plus en plus. Mm. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que là, les installations sont faites, mais il y a encore du progrès à venir aussi. Là, la terrasse la terrasse est installée au complet avec les marches pour aller en haut. Il reste juste à avoir le permis d'alcool de ce côté-là. Là, cette semaine, on a amené aussi des machines pour le Gatorade, pour de la liqueur, pour ouais. Le boire aussi. Comme ça peut rehausser l'expérience un peu. Exact. Puis là, les équipes commencent à être habituées de plus en plus. Fait que, et les tableaux, c'est quelque chose, les tableaux, là. C'est au coup d'œil, effectivement. C'est comme une grosse TVHD, c'est ça? Exact. Ben, comment ça fonctionne? C'est que nous, on a une application sur notre site qu'on rentre les parties en direct. Le marqueur a une application. Puis après ça, le principe du tableau, c'est que l'application, via un widget par Internet, va aller se placer, va aller prendre le contenu de mon application que j'ai sur mon ordi, puis va aller la poser sur l'écran. Mais là, c'est ça qu'on a de la misère un peu avec. Là, hier, l'application, il y avait un léger trouble. Bon, le marqueur, il partait le temps. Exemple, 10 minutes, la première période, part le temps, puis après ça, quand il faisait sur stop, il se remettait à zéro. Donc, le tableau, il suivait ce que ça faisait. Donc, ça, pour ça, c'était pas l'idéal. Mais, tu sais, c'est sûr que, de leur côté, eux, c'est les débuts aussi. Ben, c'est du rodage. Parce que, il faut dire que, si je me trompe pas, c'est le premier au Québec, hein? Ouais, ben, le premier, on est les premiers qui essayent cette technologie-là. L'application comme telle de score de gestion cher qui est nouvelle aussi, mais l'application pour les mettre sur les tableaux, ça c'est on est les premiers à l'utiliser justement. OK. Puis comment les joueurs trouvent ça? Ben là, c'est sûr que présentement, c'est pas un produit fini dans le sens que comme hier a marché une partie, quand ça fonctionne, les joueurs ils aiment vraiment ça. Pour plus qu'une chose, c'est sûr que tu sais, ça avoir le temps de dans. Quand tu joues, ça aide pour gérer ta game aussi. Puis il y a aussi les punitions, parce qu'à 3 contre 3, faut pas oublier que quand il y a 2 punitions subséquentes, ben de suite, ça virera pas 3 contre 1. C'est les gars, faut qu'ils restent sur le banc. Puis il y a une histoire de délai des fois parce que la deuxième va partir à la fin de la première. Mm. Donc avec le tableau, qu'est-ce qui est le fun, c'est que nous, on a le marqueur peut écrire le temps, puis le temps de la deuxième punition, préparer son délai, puis tout est affiché. Donc après ça, pour les joueurs, c'est beaucoup moins mêlant. Ça, c'est un gros plus. Puis il y a les lancers au but. Qu'on peut voir à mesure aussi, fait que ça donne l'allure de la game un peu. Puis là, j'imagine que ça va, c'est du rodage. Là. C'est un coup que ça va être. Dominique, j'imagine ben, que. Ouais. Le monsieur, il vient vendredi, dans le fond, là, pour vraiment configurer sur place. Parce que moi, j'y ai parlé au téléphone, mais c'était une question comme quand on essayait de l'installer, ben l'image était là, mais était mal centrée sur l'écran. Là, il a ajouté quelque chose, ça marchait après. Mais là, après ça, c'est l'application qui avait de la misère un peu. Mais non, c'est ça, c'est du rodage, mais une fois que ça a marché, le potentiel est là, parce que quand ça marchait hier, moi, je trouvais que c'était vraiment le fun, c'était pas trop compliqué non plus pour les marqueurs, c'est pas vraiment un travail de plus. Puis là, il y a deux tableaux, il y en a deux, en fait, là, ce que j'ai vu. Oui, en fait, il y en a un beaucoup plus gros qui va être utilisé sur la surface Jean-Lapierre, qu'on va avoir qu'il y a un peu plus d'éclairage qu'on va mettre sur partie, parce qu'elle, c'est elle qui est la plus visible de la terrasse. Okay. Mais l'autre reste quand même très bien dans le sens qu'on voit très bien le score. Là, ça, il n'est pas petit non plus l'autre, c'est juste l'autre qui est vraiment gros. OK. Donc c'est vraiment intéressant. Aussi, tournoi en fin de semaine que j'ai vu sur le site en fin de semaine. Tournoi jeune PME, dans le fond, on encourage le monde des qui ont des entreprises ou qui travaillent dans une compagnie à venir essayer un peu le décoquer comme ça. Nous, ce qu'on demande, c'est que les équipes aient deux joueurs de la dite entreprise dans l'équipe. Mais c'est vraiment plus un tournoi de rodage aussi pour essayer de mousser un peu le décoquer comme ça dans ville. C'est sûr que y a beaucoup de monde qui découvre encore, mais on voit des nouveaux visages à chaque soir. Ben oui. Pas tout le monde encore qui est habitué. Nos jeunes, la fin de semaine, on fait du hockey libre, on commence à avoir un peu plus de jeunes à chaque fois. Ça, pour ça, c'est le fun. Les parents, ils viennent en tête, ils couvrent le site. Mais comment t'as l'inscription à date? T'as-tu pas mal d'inscriptions? Tournoi, j'en ai pas tant que ça. Là. On va vérifier combien qu'on a d'équipes pour voir. Pour voir si parce qu'il faut un X nombre d'équipes pour avoir au moins un tournoi possible. Parce qu'on a trois classes différentes, mais si les équipes s'inscrivent pas dans la même classe, ben c'est sûr que nous, on fait au niveau masculin, on fait compétition, participation. Ça, c'est un tournoi justement dans l'optique d'avoir du fun puis développer un peu la clientèle parce que c'est pas un tournoi avec des grosses bourses nécessairement. Ça va être au niveau du tournoi à fin juillet. Là. Ouais, tournoi provincial, ça va être vraiment un plus gros événement. Puis ça, comment ça va de ce côté-là? Ben ça, là, on vient de sortir la publicité pour le tournoi. Okay. Mais de toute façon, tournoi, il y en a de plus en plus au Québec, fait que le sortir d'avance trop la publicité, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que ça va tomber dans l'oubli un peu. Mais je pense que c'est une bonne fin de semaine aussi parce qu'il y a la traversée du lac Saint-Jean aussi en même temps. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi pour les équipes, c'est que sur le terrain soccer, ils vont pouvoir porter leur pour camper. Fait que moi j'ai déjà fait mes recherches. J'ai déjà parlé à mon monde de Québec pour voir s'ils étaient intéressés. Puis ça vient-tu? Ouais, je pense qu'ils vont venir. Là. Je vais arriver encore un kick-jun. Je me fixe un objectif d'en apporter 5. Ah, c'est bon. Ben, c'est ça, quand il y en a 5 qui vient par la suite, le mot se passe, là, puis ainsi de suite. Là, parce que c'est une belle fin de semaine aussi pour venir. Puis avec le camping, ben, ça réduit les frais considérablement parce que des fois, c'est tout le temps que tu inclus les frais d'hôtel pour toutes les fois et tout ça. Puis, tu sais, c'est pour Québec, pour eux, c'est pas une grosse fête tant que ça. C'est 3 heures. Oui, effectivement. Puis c'est un beau coin aussi. Puis, moi, j'ai du monde qui joue au deck, qui viennent du lac Saint-Jean. D'après moi, ils vont vouloir essayer. OK. Dans les ligues, maintenant, j'ai vu qu'il y avait 5-6 matchs hier. Donc, voilà. Donc, il y a eu de plus en plus de matchs le soir. Oui. Là, on est rendu du lundi au vendredi. OK. Donc, au début, le calendrier, comment on l'avait fait, c'est qu'on était du mercredi, jeudi à chaque semaine. Mais là, pour arriver correct, pour être en mesure de faire une deuxième demi-saison qui n'est pas trop tard, on a augmenté un peu le rythme. Mais honnêtement, ça passe quand même bien aux joueurs. À la limite, ils jouent plus. Dans le fond, les équipes vont se trouver à jouer en moyenne 3 parties en 2 semaines. Ah, c'est donc, bon. Donc souvent, une semaine, 2 parties, une semaine, l'autre. Mais le monde en mange. Fait que il y a personne qui nous dire « Ah, c'est trop de parties pour nous ». Puis en même temps, ben là, l'horaire complet va être sorti d'ici la fin de semaine. Donc, pour les équipes, pour prévoir les imprévus, ben ça va être un plus pour eux parce que s'ils ont une partie qui est problématique, ben on peut regarder avec d'autres équipes dans la même classe s'il y en a une autre d'échanger. Fait que ça donne plus de jeu pour tout le monde un peu. OK. Puis, comment ça va du côté des arbitres? C'est une passée, on n'a pas été capable de se parler. T'as un petit problème d'arbitre, là. Ça va mieux de ce côté-là? Ben non, je dirais... Là, depuis la semaine passée, au moins, on est tout le temps à 2 arbitres. Ah. Et la norme, on est coqué. Mais j'ai pu apercevoir... Ben, t'sais, les joueurs, les clients, je pense qu'ils sont contents de ça aussi parce que c'est dur à un arbitre puis on leur donne le bénéfice du doute aussi. Mais c'est mieux pour tout le monde d'être à 2 parce que eux se relancent. S'il y en a un qui a de la misère un peu plus, ben l'autre peut prendre le lead un peu. Ça fait ressortir un peu les capacités des arbitres. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Puis pour les joueurs aussi, ben c'est vraiment un plus. Là, moi, je trouve que c'est vraiment la moindre des choses qu'il y ait 2 arbitres pour eux. OK. Y a-t-il une fédération? Ce qui est le fun, c'est qui? Y a-t-il une fédération? Non, il n'y a pas de fédération. Puis au niveau des arbitres, c'est vraiment c'est nous qui les engagent, qui les forment. Mais... Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a une tendance, c'est que c'est tous des joueurs qui jouent dans notre ligue aussi. OK. Donc, on fait attention pour que les arbitres dans leur catégorie qui jouent. Question de souci d'équité un peu, parce que pour l'image aussi. Ben oui. Mais c'est bien parce qu'on a des joueurs de différents calibres, puis joueurs qui ont joué au hockey sur glace. Fait qu'il y a beaucoup d'expérience. Après ça, c'est de prendre l'expérience comme arbitre. Mais je pense que c'est une belle place pour commencer. Puis les gens sont intelligents aussi. Ouais. Fait que c'est le fun pour ça. OK. Bon, ben c'est. Fait qu'on se reparle mercredi ou jeudi prochain? Oui. OK. Donc, c'était la chronique du deck hockey avec notre spécialiste, Dominique Golbout.